premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des frontières. Ce matin, que savaient les Français de la France entre 12e et 16e siècle ? Dans notre série sur les frontières, nous allons vous proposer demain un documentaire consacré aux frontières d'une ville, d'une capitale, même Paris, à son dernier arrondissement avant le grand Paris qu'on nous promet aujourd'hui. Puis mercredi, aux frontières des langues en Europe entre 8e et 11e siècle. Et jeudi, aux frontières culturelles entre Ancien et Nouveau Monde, entre France et États-Unis. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir le médiéviste Léonard Dauphan, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Lorraine, que nous avions reçu pour son premier livre qui s'intéresse déjà à l'histoire de l'espace français, le royaume des quatre rivières chez Champvallon. Dans son dernier ouvrage, tout juste paru, Géographie, il se demande ce que les Français savaient de la France entre 1100 et 1600. Que pouvait-il donc connaître des territoires sans les cartes, puisqu'il n'avait pas de cartes à ce moment-là? Un travail très excitant et très varié qui nous conduit du paysage sonore de la France médiévale à l'espace vécu des Français. Bonjour Léonard Dauphan. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints à nouveau. Vous étiez venu pour la parution il y a 5 ans maintenant déjà de votre livre Le Royaume des Quatre Rivières, qui était votre thèse. C'était chez Champvallon en 2012 et vous y expliquez déjà que vous vouliez faire un travail de géohistoire. Alors ce sont souvent des géographes qui s'intéressent à la géohistoire, même s'il y a des historiens qui s'y intéressent aussi. Mais vous êtes un de ces rares géohistoriens venant de l'histoire qui se pose la question à la fois du temps et de l'espace. Et cet espace, c'était dans le royaume des quatre rivières, l'espace français délimité, disiez-vous, au Moyen-Âge, par quatre rivières, l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône, donc qui fermaient le territoire et qui étaient une sorte de frontière. Alors, était-ce une frontière naturelle? Vous en discutiez dans ce livre, mais qui était une frontière pour tous les contemporains du Moyen-Âge. Et vous avez voulu, dans votre dernier livre, qui s'intitule « Géographie au pluriel, ce qu'il savait de la France », chez Champvallon toujours, élargir votre propos, d'abord dans le temps, entre 1100 et 1600, mais l'élargir aussi à ces moments vécus que pouvaient vivre les contemporains du Moyen-Âge, à cette façon dont ils pouvaient appréhender le réel. Et ce réel était un réel géographique, selon vous, Léonard Dauphan, entre autres. Ah oui, c'est vrai, dans ma thèse, je travaillais sur le 15e siècle et j'avais une perspective de géohistoire, mais de géohistoire politique. Mmh. C'est-à-dire que je voulais savoir comment le roi de France, comment les premiers fonctionnaires de l'État français avaient pu construire un État dans un pays très grand qui faisait 20 jours de temps à traverser, on comptait en journée. Comment est-ce qu'on avait pu gouverner ce pays? C'était sur une période courte, le 15e siècle, et c'était une perspective qu'on pouvait dire de haut en bas. Mmh, c'est absolument. Et là, vous partez d'une perspective de bas en haut, ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut trouver les sources qui vous permettent de comprendre ou d'appréhender ce que pensait un Français dont on ne dira pas qu'il est moyen, et d'ailleurs était-il Français à ce moment-là, au 11e siècle. C'est la question. donc un Français regarde le territoire dans lequel il vit et l'appréhende sans même le voir. Oui, alors il fallait à ce moment-là poursuivre en fait dans l'ouverture entre les disciplines, faire de la géohistoire comme historien, c'est faire de l'histoire et de la géographie. Et là, il a fallu ajouter une nouvelle dimension, en étendant dans le temps, mais aussi en étendant vers l'histoire de la littérature. En fait, qu'est-ce que les gens pouvaient savoir de leur propre pays, ici la France? C'est une question qu'on peut se poser, mais on a un manque de sources. Et la solution, c'est vraiment de croiser histoire, géographie, littérature. La géo, en fait, a une méthode. C'est une tradition depuis, on va dire, une génération que les géographes étudient l'espace vécu, la façon de s'approprier un territoire. On peut penser aux travaux de Poincaré-Vanne, par exemple, dans les langues françaises de géographie. Les historiens, eux, ont la question. Qu'est-ce que les Français pouvaient savoir de la France? Un certain nombre de grands historiens qui se sont posés la question au XXe. Mais ils en sont restés, évidemment, à la perspective de haut en bas. Et la littérature, elle, finalement, a les sources. Dans les poèmes des troubadours, dans les chansons de gestes, dans les farces, on a des effets de réel qui sont aussi des effets de connivence avec le public, qui permettent de faire passer des choses qui d'habitude relèvent de la discussion populaire, relèvent de l'implicite, et qui sont figées en fait dans les textes. Et en utilisant les sources, on arrive à ce que les gens pouvaient vraiment penser. Oui, alors c'est un formidable travail de maniement de plus de 200 sources que vous avez pu faire, justement, des poèmes, des récits, des fables aussi, des fabliaux, des débuts de pièces de théâtre, des choses comme ça, qui, et c'est là où vous commencez, nous transportent dans un autre espace et que celui que nous connaissons aujourd'hui. Vous commencez par cela. Vous nous dites tout compte fait, comment peut-on aujourd'hui imaginer cette question-là? Alors qu'on a à la fois des villes tentaculaires, des GPS, des cartes à notre disposition, et qu'au bout du compte, cet espace, il est parcouru en tous sens par tout un tas de moyens qui nous permettent de nous y orienter. Ça n'était évidemment pas la même chose à l'époque. Et vous commencez par quelque chose qui peut nous faire énormément plaisir à la radio, le paysage sonore. Oui, alors effectivement, étudier cette vision commune, en fait, c'est essayer de se replonger dans ce qui est l'expérience la plus vitale pour les gens, et ça nécessite toute une série de dépaysements. Et donc, le livre est construit par une série de questions. Qu'est-ce qu'on pouvait éprouver dans le territoire? Et donc, c'est la question du paysage. Qu'est-ce qu'on pouvait savoir des différents lieux? Qu'est-ce qu'on pouvait en penser? C'est la question des identités. Et à chaque fois, effectivement, il faut un dépaysement. Dans le paysage, nous sommes très très visuels, nous sommes saturés d'images, et il faut remonter dans un monde où l'image est rare, mais où le son est très important. Mmh. Et là, le dépaysement est non seulement culturel, mais il est écologique, parce que nous ne vivons pas dans le même écosystème qu'avant les bouleversements du XXe siècle. Il y avait une époque où les oiseaux étaient très très nombreux dans la campagne, où on était beaucoup moins isolés de la nature. Sonorement même. Sonorement. Les poètes nous le disent, les gens du Moyen-Âge s'endorment en écoutant chanter les oiseaux. Parce qu'il n'y a pas de vitres. Il y a du papier huilé qui ferme les fenêtres. Et donc on est vraiment immergé partout dans la nature. Et l'ambiance sonore, ce que un grand savant anglo-saxon, Bernie Krause, a pu appeler le concert de la nature, est vraiment constitutif de l'expérience des gens. Et cela, vous nous dites, d'une certaine façon, Leonardo Fant, que c'est très différent de ce que nous connaissons et qu'il faut faire un pas vers l'étrange ou l'étrangeté, d'une certaine façon, de cette période, sans quoi on ne comprend pas l'appréhension du paysage, un paysage que l'on ne voit généralement que par les miniatures, que ce soit les miniatures des très riches heures du Berry ou les grandes heures d'Anne de Bretagne. Ces miniatures, dites-vous, on les a prises souvent pour comptant, parce que les châteaux qui étaient représentés en particulier étaient parfaitement représentés, mais le paysage autour est totalement réinventé, puisque quand on se rend sur les lieux, on s'aperçoit que la rivière n'est pas là, que la plaine n'est pas là, que le château est en hauteur au-dessus d'une falaise et non pas avec une belle plaine verdoyante qui est à ses pieds, et que tout cela, ça a été inventé. Donc il ne faut pas se fier à ces représentations graphiques. Elles disent autre chose, d'une certaine façon, Leonardo Fant, que ce qu'on croit qu'elles disent. Alors je dirais pas exactement inventé, je dirais recomposé. Je parle de recomposition paysagère, c'est-à-dire qu'en fait tous les éléments sont réels. Dans les très belles miniatures qu'on peut connaître des très riches heures du duc de Berry, on voit des vrais paysans qui fauchent ou qui labourent, on voit de vrais châteaux, mais en fait le château n'est pas situé en face des labours, ces scènes sont associées. C'est la même chose quand on voit les tableaux des primitifs flamands, quand on voit le Christ dans une bonne campagne flamande, c'est aussi une recomposition. Et on a ici effectivement l'utilisation d'un sentiment du paysage pour un autre discours, qui peut être un discours religieux, qui peut être un discours politique, comme dans les très riches heures. Mais on peut utiliser chacun de ces éléments pour se demander ce que les gens aimaient, ce qu'ils percevaient de leur environnement. Ils aimaient la campagne. Ils aimaient la campagne. Et justement, ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour nous. Nous aimons la forêt, nous aimons la montagne, nous aimons la mer, nous aimons nous évader dans des régions exotiques. La campagne ne nous dit plus rien. Mmh. Et en fait, quand on se rend compte, quand on essaie de prendre en compte les sources depuis le XIIe siècle, les poèmes des troubadours, puis ensuite les images, on se rend compte de l'amour de la campagne. Un exemple tout bête, un guide routier du XVIe siècle, celui de Charles Étienne, donne des variantes de route entre les différentes villes. Et pour partir de Paris et pour aller vers le sud, la route la plus courte passe par la forêt de Fontainebleau, et il donne une variante qui est plus jolie, qui évite Fontainebleau. C'est l'itinéraire vert qu'on a aujourd'hui sur les cartes Michelin. C'est ça. Et justement, l'itinéraire joli, lui, passe par Coulommiers. Oui. Par un plateau de Brie. Et c'est ça qui est beau pour eux. La plaine. Et d'ailleurs, Montaigne, quand il passe les Alpes en revenant d'Italie, évidemment, ce qu'il a sous les yeux et ce qui, pour lui, représente le paysage français, c'est la plaine de Bresse qui s'étend sous ses pieds. Alors que la montagne, cette montagne qu'on va chérir aujourd'hui comme étant l'espace naturel par excellence, elle est parcourue par les loups, parcourue par les ours, et c'est vraiment un espace totalement inhospitalier pour le voyageur. Donc il faut se remettre dans cet espace mental de ceux qui, entre le 11e, 12e et 16e siècle, se promènent dans ce territoire qui est aujourd'hui la France. Et là, effectivement, il y a deux question. D'abord, la campagne a beaucoup changé. On a le même mot, campagne, mais c'est plus du tout la même. C'était un pays vivant, c'est un pays saturé de sons, saturé d'odeurs. Et saturé de personnes qui parcourent les champs, oui, qui parcourent les chemins, qui parcourent les routes, comme on peut parfois en avoir l'impression quand on se rend dans des pays qui n'ont pas mécanisé leur agriculture. Mais effectivement, la mécanisation de l'agriculture nous rend la campagne totalement vide, alors qu'elle était pleine de gens. Oui. Elle était pleine de gens, elle était pleine d'animaux, elle était pleine de vie. Et en fait, ce monde est un monde qui associe le travail, la prospérité et la beauté. Et parmi ce que nous avons perdu dans l'agriculture industrielle et dans la vie moderne, il y a justement ce lien entre la prospérité et la beauté. Nous avons le productif d'un côté et puis nous avons l'esthétique de l'autre. Eux identifiaient les deux et c'est pour ça qu'ils se plaisent dans leur espace de vie. Alors, puisque vous parliez de cette nature, écoutons Les Oiselets de mon pays de Gas Brûlé, donc un auteur champenois du XIIe et du début du XIIIe siècle, un morceau dirigé par Anne-Marie Deschamps et l'ensemble Venance Fortuna. Les Oiselets de mon pays de Gas Brûlé, donc un auteur champenois interprété par Anne-Marie Deschamps et l'ensemble Venance Fortuna. Je rappelle que vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, une Fabrique de l'Histoire qui cette semaine traite de la question des frontières et interroge aujourd'hui Léonard Dauphan, dont le dernier livre Géographie s'interroge sur ce que savaient les Français de la France entre le XIIe et le XVIIe siècle. C'est paru chez Champvallon. Et vous nous dites à propos de cette campagne dont vous parliez tout auparavant, Léonard Dauphan, que c'est un choix ce qu'on nous raconte sur cette France campagnarde qui s'interrompt vers les années 1930 et qui va totalement s'urbaniser ensuite au point que effectivement les populations s'inversent entre population urbaine et population rurale. Cette France, dites-vous, c'est un choix, c'est une façon de se penser, c'est une façon de se posé dans le monde. Vous dites que l'islam, par exemple, l'islam classique a été urbain et marchand. C'était un choix de se dire urbain et marchand et d'écrire pour les intellectuels de l'islam classique sur cette urbanité et sur ce commerce. Les auteurs français de cette époque écrivent sur la campagne parce qu'on a choisi de se dire proche justement de cette campagne, Léonard Dauphan. Oui, vous avez raison, et c'est justement le passage qui est essentiel de l'expérimentation, de l'expérience vitale, à ce qu'on pourra appeler la construction identitaire. C'est-à-dire que tous les Européens vivent dans ce monde peuplé d'oiseaux, dans ce paysage sonore, et les Français, à partir du XIIe, XIIIe, et encore plus entre le XIVe et XVIe, vont identifier cette expérience vitale comme quelque chose de typique de leur pays. Et Montaigne, par exemple, quand il voit cette plaine de Bresse, il dit « c'est une plaine à la française ». Alors ce qui est drôle, parce qu'en fait la Bresse de l'époque est en Savoie et pas en France. Pas en France, mais il voit une plaine après les Alpes et ah, ça y est, c'est une plaine à la française. Et donc on a ici un passage de la construction de ce pays, parce qu'on l'a construit, on a défriché, on a produit un paysage la satisfaction, ce que le géographe Jean-Robert Pitt appelle la satisfaction du paysage, cette construction a plu aux gens. Et le troisième moment, c'est le moment de la construction identitaire. On ressent cette construction comme typiquement française et on construit un discours sur le pays. Et d'ailleurs, un autre des voyageurs de cette fin du XVe siècle, en l'occurrence, qui s'appelle l'anonyme de 1480, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, dit en passant les Alpes dans l'autre sens. Il dit « Suse est le commencement de Piémont, là où on commence à compter les chemins par mille. Aussi, les horloges commencent à sonner autrement qu'en France, car ils sonnent pour midi 24 heures et aussi le dit lieu passé, les femmes ne portent plus de chaperon, mais seulement coiffent et couvre-chef, par exemple. Donc, il y a bien déjà des différenciations culturelles. Si elles ne sont pas réelles, elles sont vécues, elles sont imaginées par les voyageurs de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, en l'occurrence, Léonard Dauphin. Oui, le récit des voyageurs est très important parce que on commence à en avoir beaucoup au XVe. Il y avait des voyageurs avant, mais ils racontaient très peu ce qu'ils voyaient. Et à partir du XVe, ils détaillent. Et justement, parce qu'ils se mettent en chemin, ils se placent dans une situation de dépaysement et ils sont hypersensibles aux changements mineurs. Le couvre-chef des femmes, la façon des horloges de sonner l'heure, ce sont des changements mineurs, mais qui sont vraiment ressentis comme le témoignage de l'étrangeté. Mmh. Et ça nous permet de tracer des frontières culturelles, des frontières imaginaires au sein du pays. Et entre la France et l'étranger, bien sûr. Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans votre travail, qui s'intitule « Géographie, ce qu'il savait de la France », Léonard Dauphin, c'est que vous nous dites, par exemple, que cette vue des voyageurs est importante. Et par exemple, moi, j'ai découvert, ce que je ne savais absolument pas, que le point de vue haut, alors ça peut être le panorama tel qu'on l'a aussi dans les guides touristiques de nos voitures, dans les boîtes à gants de nos voitures, mais c'est aussi le point de vue haut dans une ville, par exemple. On monte à la flèche des cathédrales, on monte dans les tours les plus hautes pour observer la beauté de la ville dans laquelle on se trouve, son implantation dans le territoire. Et vous avez pas mal de témoignages de ces voyageurs du XIIIe au XVIe siècle qui, la première chose qu'ils font, même quand ils ont le vertige, quelquefois ils redescendent pour certains d'entre eux parce qu'ils ne veulent pas avoir trop mal au cœur, mais en tout cas, ils tentent de monter au point de vue haut qui est évidemment la cathédrale. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler le premier tourisme. Alors quand on parle du tourisme, aujourd'hui, c'est hérité du tourisme du 18e qui était le grand tour de l'Europe. Mais avant ce premier tourisme, il y en a eu encore un avant, qui était le fait de monter dans les tours. Et manifestement, dans les grands lieux comme les cathédrales, mais aussi les grands palais, il n'y avait aucune interdiction. Et on voit des gens qui grimpent non seulement au sommet des donjons, mais même aux échelles en fer qui sont suspendues tout en haut des donjons qu'on appelle des guettes ou des échauguettes. Donc là, Adam Martin en Goëlle, par exemple, pour regarder la beauté de l'île de France et la beauté de Paris qui était au pied de Adam Martin en Goëlle. Et alors là, on a une pratique du panorama qui est vraiment systématique. Donc, n'importe qui va à Paris monte autour de Notre-Dame. C'est inimaginable, en fait, de ne pas monter. Et ça nous permet aux voyageurs de prendre possession du territoire. La vue domine. Et comme ça, le voyageur s'approprie le pays. Et ensuite, on voit toute une sorte de culture du panorama. Adam Martin en Goëlle, par exemple, monté au sommet du château. Et le châtelain fait la visite et récite un petit poème sur la beauté de la vue. de Dammartin en Goële, on voit de France la plus belle, et on détaille tout ce qu'on voit du sommet du château. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a toujours un poème aujourd'hui connu à Dammartin, qui est directement hérité de ce poème du XVe. Alors, tout de même, c'est étonnant parce que cette France, ce territoire qui s'appelle pas encore la France au XIe ou au XIIe siècle, cette France se pense, dites-vous, décentrée, se pense à l'extrémité du monde. Parce que le monde de l'époque, nous expliquez-vous, Léonard Dauphan, est centré évidemment sur deux lieux qui sont plus méditerranéens, Rome, trois lieux même, Rome, Constantinople et Jérusalem. Et donc, on se trouve au bout de la péninsule, on est à l'écart, et tout compte fait, ce qui explique, expliquez-vous vous-même, Léonard Dauphan, pourquoi, à part Paris, et peut-être parfois Reims, aucune des grandes villes de ce royaume de France n'est présente dans les itinéraires classiques, pourrait-on dire, dans lesquels on cite les grandes villes de ce qui deviendra ensuite l'Europe, Léonard Dauphan. Et oui, et c'est d'ailleurs pour ça que la question « qu'est-ce que les Français savent de la France ?» est compliquée, parce qu'il n'y a pas une discipline géographique qui s'intéresserait au pays à l'époque. Parce que la France est au bout du monde, et que la culture savante valorise l'Orient. Alors, Rome, Constantinople, Jérusalem, et même le Moyen-Orient, la Chine. Et en fait, quand on regarde les maps mondes du Moyen-Âge, on a une vision de bas en haut, l'Europe est tout en bas de la carte, et le monde s'élève petit à petit, jusqu'à la Chine et jusqu'au paradis terrestre, et le Christ est au sommet de la map monde, et ensuite on monte vers Dieu. Donc on a une vision de bas en haut. La France est en bas, tout en bas du monde. Et donc ce discours sur le pays, il doit se construire en dehors du monde savant. Il doit se construire comme une expérience vitale, mais il passe dans ces cas-là par des à côté, il passe par la littérature orale, parce que la vraie culture est ailleurs, et les Français doivent se battre, en fait, pour se construire une culture à eux. Et à partir de quand? C'est quoi? C'est le 13e siècle, que, par exemple, les Français ont l'impression de récupérer une partie de cette légitimité qu'ils semblent avoir perdue, ou qu'ils n'ont jamais eue, d'ailleurs, dans cette chrétienté, qui est évidemment centrée sur d'autres pôles urbains que le pôle de Paris. C'est quoi? C'est l'université de Paris, oui. Son importance, le fait que un dicton, par exemple, commence à dire Paris est sans pair, par exemple, P-A-I-R, donc il n'y a pas d'équivalent à Paris, et qui, d'une certaine façon, rehausse la capitale du Royaume de France au niveau des grandes capitales européennes et mondiales. Oui, je crois que pour les élites françaises, le 13e siècle est un vrai tournant. Paris, avec le prestige immense de ses rois et le prestige de la Sorbonne, devient une capitale, un centre de la chrétienté. Et donc, les élites se mettent à être fiers de leur ville. Mais c'est là où on invente aussi Paris-Paradis, par exemple. Oui, Paris-Paradis, on fait des jeux de mots pour expliquer vraiment que Paris est au cœur du monde. Mais c'est plus que cela, et c'est plus qu'un jeu d'élite, parce qu'au même moment, les Français, c'est-à-dire les gens de la moitié nord de la France, se construisent une vraie culture. Et par exemple, si on prend la géographie du vin, je termine le livre sur la géographie du vin, on se rend compte que il y a des vignes en France depuis l'Antiquité, les Romains nous ont envoyé ça, mais il n'y avait jamais eu de culture du bon vin, de grands crus renommés capables de concurrencer les vrais grands crus qui étaient ceux d'Italie, de Grèce, de Syrie. Et à partir du 12e, 13e, eh bien, tout simplement les vignerons autour de Paris commencent à construire une production de qualité. Et dans ce domaine, par exemple, on voit émerger une géographie proprement française de la boisson à côté de la géographie des élites. Et voilà qui ne plaît pas, par exemple, à celui qui est le père de l'humanisme italien, à Pétrarque, qui d'un seul coup voit son propre pays totalement déclassé, ou en partie déclassé. Ça n'est plus Rome qui compte, mais Paris commence à compter presque autant que Rome. Et ça ne lui plaît pas à Pétrarque au XIVe siècle. C'est un renversement de l'ordre du monde pour lui. Parce que lui vit toujours dans ce monde en ordre, qui est orienté vers Dieu, et où Rome est au centre. Et les Français sont en train de se construire quelque chose de tout à fait étonnant dans cette chrétienté latine des 13e, 14e siècles. Ce sont des frontières, et c'est un pays pour eux. Alors qu'en fait, on vivait dans un monde sans frontières avant. Il n'y avait pas de différence si marquée que ça entre les peuples. Et voilà que les Français sont en train de dire « Notre pays est à nous, et il est unique. » C'est insupportable pour un Italien. Alors, on va continuer avec vous la discussion, Léonard Dauphan, autour de votre livre « Géographie, ce qu'il savait de la France » paru chez Champvallon. Mais auparavant, écoutons un morceau de ce XIIIe siècle signé Adam de la Halle. « France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un extrait du jeu de Robin et Marion par l'ensemble Sequentia, donc d'Adam de la Halle, en mai, quand rosiers sont fleuris. Mais c'est important, Léonard Dauphin, vous nous expliquez combien le printemps a été accaparé par les penseurs français, les premiers intellectuels français de ces 12e ou 13e siècles, avec la fameuse refleurie. La refleurie, c'est le moment où la nature, sortant de l'hiver, repart. C'est pas le cas aujourd'hui, il neige encore à Paris, mais enfin, en tout cas, ça devrait être le cas d'ici peu de temps, avec le printemps. Et ce printemps est un moment important que les Français ont envisagé comme étant quelque chose de particulier dans leur propre pays, Léonard Dauphin. Oui. Alors, les historiens se posent la question depuis longtemps de savoir si on percevait un paysage au Moyen-Âge, en se disant, il faut chercher ce que nous considérons comme un paysage, c'est-à-dire des peintures, mm-hmm. une réflexion esthétique sur le paysage. Et quand on regarde nos sources, on a très peu d'images avant le XIVe siècle. Par contre, ce qu'on a, c'est des poèmes. Et ces poèmes commencent chez les troubadours à partir du XIIe siècle, naissance de notre littérature, par une expérience, qui est un lieu commun, mais justement, qui est vital, c'est l'expérience de la Reverdy. Et c'est une expérience de la saison, la neige fond, la glace dégèle, on entend la source qui commence à faire du bruit, les feuilles apparaissent, les odeurs réapparaissent, et c'est vraiment une expérience du retour à la vie. C'est l'expérience primordiale du territoire, en fait. C'est l'expérience de la saison. Et à partir de là, peut commencer une réflexion sur le territoire, de l'expérience vitale, ensuite vers des lieux particuliers qu'on va pouvoir nommer et dont on va pouvoir se faire une sorte de corpus pour créer petit à petit une véritable culture du pays. Alors, ça c'est bien beau la poésie, mais vous attaquez à des sources, disons, bien moins poétiques, qui sont les sources de la riotte. Alors moi j'ai découvert, ça n'a rien à voir avec un riot gun américain, mais peut-être c'est de la même racine. C'est une bagarre, on appellerait ça aujourd'hui une battle, entre slammer par exemple. C'est exactement une ça. Une bagarre entre deux jongleurs qui se renvoient des insultes à la tête, et ces insultes, ce sont des insultes sur les pays en question, justement, qui, dites-vous, permettent à l'historien que vous êtes, Léonard Dauphin, de découvrir, d'une certaine manière, comment on pensait le Champenois, comment on pensait le Breton, comment on pensait le Toulousain, comment on pensait l'habitant d'Anjou au XIIIe siècle, en l'occurrence, ou au XIVe siècle. Oui. C'est l'apparition, au XIIIe siècle, d'un discours sur les gens ordinaires en France, et justement comme la culture savante s'intéresse à la Chine, s'intéresse à l'Orient, on va voir apparaître ces textes dans le milieu des jongleurs, c'est-à-dire, on pourrait dire, ce sont les intermittents du spectacle du XIIIe siècle, qui se font de véritables duels d'improvisation, et ils échangent, entre autres, des dictons géographiques. Il y a des insultes, mais pas seulement. En fait, on associe un lieu à une idée, ça peut être un type social, ça peut être un métier, ça peut être une production, ça peut être de la nourriture, ça peut être aussi... C'est ce que vous appelez des idées-lieux dans la foulée de... ou des lieux-idées. Des lieux-idées. Dans la foulée de Paul Zumthor. Exactement. J'en cite quelques-uns, là, édités. On va donner des profils sociaux. La chevalerie de Beauvais, les lanciers d'Arras, ça c'est chevalier. Puis on va passer à des métiers, les chasseurs de perdrix de Nevers, les buveurs d'Auxerre, les voleurs de Mâcon. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on est voleur à Mâcon? J'en sais rien. Les paysans de Beauvais. Les traîtres du Poitou, j'en suis tout à fait désolé. Les traîtres, on est toujours de double obédience. Nous, on sait jamais quoi choisir. C'est peut-être d'ailleurs. C'est une frontière. C'est une frontière, c'est une marche et qui a longtemps été disputée entre le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre pendant les guerres entre les Aliénor d'Aquitaine et son mari, les Plantagenets, et donc le Royaume de France. Donc, il y a cette réputation. Alors, il y a des réputations terribles. Il est 9h37, on peut peut-être le dire. Les horrifiques couilles de Lorraine, par exemple. Voilà, donc ça, c'est voilà. Les Lorrains sont supposés avoir des bourses plus grosses, beaucoup plus grosses que les autres Français. Les Bourguignons sont lourdeaux, ils sont sots. Les Bretons sont idiots, en l'occurrence. Alors, on se demande, et vous vous demandez avec d'autres, d'ailleurs, si cette réputation des Bretons ne viendrait pas du fait que Brito en latin a quelque chose à voir avec brut, donc et que on aurait pu faire une sorte d'allitération sur le nom du peuple et le nom et l'attribut qu'on lui donne, en l'occurrence Léonard Dauphin. À l'origine de ces stéréotypes, effectivement, qui constituent une grande partie de la géographie populaire, on a souvent des jeux de mots savants, mais ensuite ils se diffusent partout, justement parce qu'ils ont un rapport avec une réalité. Les Bretons de Grande-Bretagne on a pu s'en moquer d'eux chez les savants au Moyen-Âge à cause de ce jeu de mots. Mais dans la France de Saint-Louis, il y a une véritable émigration bretonne, des gens qui quittent la petite Bretagne pour aller chercher du travail à Paris. Et à ce moment-là, ils ont la réputation de... C'est pas Bécassine encore. C'est pas Bécassine, mais ce sont déjà des émigrés qui n'ont pas la même langue et qui doivent s'intégrer. Et à ce moment-là, il y a toute une mauvaise réputation qui leur est faite. Alors, le Normand est vantard, le Français est orgueilleux. Alors, c'est d'abord un jugement sur lui par les autres. Et puis vous expliquez qu'au XIVe siècle, les auteurs français vont même le prendre pour eux, c'est-à-dire vont dire oui, le Français est orgueilleux. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, ce que disent les Italiens, même s'il n'y a pas encore d'Italie à l'époque, les Espagnols, la même chose, les Allemands, les Anglais sur la France, va être réapproprié, repris par les auteurs français eux-mêmes, Léonard Dauphin. Ah, bien sûr, les sociologues connaissent bien ce phénomène. On est victime d'un stéréotype et on se réapproprie de manière paradoxale. En fait, il faut bien se rendre compte qu'en correctant ces stéréotypes, j'en ai correcté une centaine, en fait. C'est pas simplement des moqueries dans une direction, mais un véritable réseau. Qui au début naît dans l'affrontement des principautés au XIIe siècle. Les Normands et les Français s'insultent parce qu'ils appartiennent à deux pouvoirs concurrents, Plantagenet et Capétien. Mais ensuite, quand la France s'unit, ces stéréotypes perdurent et ça devient vraiment une façon de connaître, de manière amusante bien sûr, les autres. Et alors, pour revenir sur les horrifiques couilles de Lorraine, par exemple, on les voit apparaître au XIIe siècle. Évidemment, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas vérifier, mais ça dure encore jusqu'au XVIe siècle. Et il faut imaginer quand un Lorrain débarque ailleurs en France au Moyen-Âge, il dit « je suis Lorrain » et tout le monde... Tout le monde s'amuse, effectivement. Et si vous prenez par exemple les types urbains, Angers aime le vin, Poitiers la trahison, Tours l'usure, Blois la parole, Chartres le coït. Pourquoi Chartres le coït? On ne sait pas. Orléans la pointeur, la France fait du vin, la Bretagne fait du vilain. Eh oui, les Bretons ont la réputation d'être bagarreurs. Ouais. Alors Chartres le coït, là, on a un bon exemple de type qui n'est plus compris 300 ans après. Ça naît au XIIe siècle, à l'époque des premières écoles monastiques et cathédrales. Et manifestement, là, il y a eu une insulte au sein du clergé, d'une ville à l'autre. Il a dû y avoir quelques profs un petit peu abusifs dans les écoles du XIIe siècle. Mais au XVe, quand c'est recopié, on a totalement oublié ça, que ça concerne de la pédération. Et comme Avignon est un lieu de bourdeau, donc de bordel en l'occurrence, au moment où s'installe la cour papale, pendant toute la période du XIVe siècle où est installée la cour papale, eh bien on se dit, voilà, c'est une ville et c'est comme ça qu'on la qualifie. On peut y chercher du travail, alors dans tous les sens du travail, on peut y chercher du travail parce que c'est une ville riche, de l'autre côté de la frontière du Royaume de France, et il y a là la possibilité de trouver de l'argent. Alors, ce qui est intéressant dans votre travail, Léonard Dauphin, c'est que vous ne prenez pas ces sources pour fixes, vous travaillez aussi sur les évolutions. Vous expliquez par exemple qu'au XIIe siècle, Limoges, est-ce que c'est grâce à Saint-Martial de Limoges, est considéré comme un grand centre intellectuel, un grand centre culturel. Et puis qu'au XIIIe, c'est déjà mort. C'est-à-dire que Limoges n'est plus considéré comme ça. On parle des pauvres Limousins, ce qui sera une sorte d'image qui perdurera tout au long de la période qui vous intéresse jusqu'au XVIe siècle. Et on dit que ce sont des faux savants. Au moment même où s'installe justement la papauté à Avignon et où trois papes sont limousins. Donc il y a aussi des questions de jalousie, de façon de se représenter soi-même en représentant les autres, Léonard Dauphin. Et oui, et justement ces stéréotypes, ils bougent énormément parce qu'ils sont le reflet de véritables rapports entre les régions, donc d'une vraie connaissance qui est différente en fonction des lieux. Le Limousin des Troubadours, c'est le grand centre de la musique, en fait. C'est le grand centre de la musique sacrée et la musique profane. Par contre, au XIVe siècle, qu'est-ce que les Français du Nord connaissent des Limousins ? Eh bien, c'est le pays des migrations, les maçons, les ancêtres des maçons de la Creuse, qui vont chercher du travail sur les chantiers de la France du Nord. Et en même temps, c'est le grand lieu de recrutement du clergé d'Avignon. Et donc on a à la fois une moquerie contre les pauvres, les manœuvres, et de la jalousie du clergé contre des gens qui accaparent les bons postes. Et ça perdure même quand cette réalité a disparu. Chez Rabelais, au XVIe siècle, on a encore des moqueries contre l'étudiant limousin, alors que le pouvoir des papes d'Avignon n'est plus qu'un souvenir historique. Mmh. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous expliquez qu'on regarde le paysage, on l'a dit, on écoute les oiseaux, on regarde ce que l'on a sous les yeux, dans les routes que l'on parcourt à pied, et ça c'est important que de savoir qu'on les parcourt la plupart du temps à pied, on prend son temps, vous l'avez dit, 22 journées de marche pour aller d'un bout à l'autre du territoire dans le sens du nord au sud, et 16 pour aller de l'est à l'ouest, en l'occurrence, ça veut dire qu'on prend son temps pour regarder le paysage, et pour regarder les villes que l'on traverse, quand on traverse des villes, monter autour, on l'a déjà dit, mais aussi essayer de remarquer ce qu'il y a de plus merveilleux ou de plus remarquable dans ce paysage. Et ces merveilles, d'une certaine façon, là aussi c'est une étrangeté, parce que ça n'est pas la même chose qu'on regarde au Moyen-Âge, au XIVe ou au XIIIe siècle, que ce qu'on regarderait aujourd'hui. Ce qu'on va regarder, ce sont les merveilles de la nature assemblées par les seigneurs, ce sont les cerfs gigantesques qu'on a empaillés, ce sont les baleines ou on appelle ça à l'époque les poissons et les ossements de poissons gigantesques que l'on accumule dans des palais. Et on vient faire le chemin pour voir cela. Et oui, ce sont en fait les ancêtres des cabinets de curiosité de l'époque moderne. Les princes accumulent ces merveilles sans forcément les séparer strictement des reliques, sans forcément les séparer des objets de grand luxe. Ça fait partie des choses qui sont très admirées. Mais à côté, on admire aussi les monuments. Et une de mes découvertes, ça a été la conscience du patrimoine qui existe à cette époque. On considère d'habitude que la notion de patrimoine naît avec la Révolution, avec le vandalisme en même temps. Et en fait, ce patrimoine, je peux montrer qu'il naît justement au moment de la fin des grands chantiers de construction du Moyen-Âge. Et les gens savent, par exemple, quelles sont les plus belles cathédrales de France. Il y a des vrais débats oraux pour savoir quelle est la plus belle cathédrale. Même si on ne l'a pas vue, on la connaît de réputation. Et ça, c'est justement quelque chose d'important. Les voyageurs, eux, ne savent pas forcément ce qu'ils vont voir, mais la plupart des Français, manifestement, savent que dans la grande compétition entre les cathédrales, il y a deux finalistes, il y a Chartres et il y a Amiens. Alors les Amiénois sont d'un avis, les Chartrains sont de l'autre, et les autres Français doivent discuter pour savoir quelle est la plus belle. Alors, approchons-nous de cette fin de livre que vous avez conçue, de ce géographie, ce qu'il savait de la France, Léonard Dauphin. Et donc de cet espace géographique lui-même, vous nous avez bien expliqué que pour comprendre cet espace géographique, avant même la carte, il fallait concevoir l'espace mental de ceux qui vivaient entre 1100 et 1600. Mais quelques-uns se sont essayés à dresser justement ce territoire sur avec des formes géométriques en particulier. Et ça, c'est à partir du 15e, 16e siècle, dites-vous. Et là, on se dit, il y a le début d'une cartographie de la France, des limites de la France. Ça peut être le pays aux mille clochers pour les uns, ou ça peut être un pays qui fait 200 lieues de large et 200 lieues un quart de long pour d'autres. Mais en tout cas, entre 1450 et le début du 16e siècle, il y a là le début d'une mise en carte du territoire. Oui. Au début de cette mise en carte, elle se fait en fait par une transition assez insensible entre les schémas mentaux, les façons de se représenter dans sa tête le territoire, et puis les mises en forme graphiques. Parce que depuis le début, en fait, on fait des listes, on arrive à styliser le territoire en lui donnant une forme géométrique. Par exemple, la France est en forme de losange à l'époque, et non pas d'hexagone. Il y en a d'autres qui disent qu'elle est carrée, ou d'autres qu'elle est un rond parfait. Oui. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. Débrouillons-nous avec ça. Ou bien on donne un espace-temps, 22 journées de long, 16 journées de large, où on donne des points limites, les différents seuils de frontières. Et effectivement, à partir du 15e, ce qui change, c'est qu'on va pouvoir dessiner cela. On va pouvoir en faire des œuvres particulières qui vont vraiment décrire spécifiquement le territoire français. Les premières cartes naissent à ce moment-là, mais elles ne naissent pas du tout comme nos cartes à nous, qui sont en fait héritées des cartes des marins italiens, donc qui sont des cartes de la pratique. Les cartes qui sont produites à cette époque, elles naissent de représentations mentales. Et pourtant, ce grand effort qui est fait donc à la fin du XIVe, au début du XVe ou au début du XVIe siècle par les premiers cartographes, il a été précédé par un moment de morcellement. Vous nous expliquez bien combien ce royaume de France, bien que royaume de France, était composé de trois composantes essentielles. Le monde anglo-normand, on l'a dit, avec les Plantagenets. L'Occitanie, très éloignée. D'ailleurs, quand on fait des cartes du Royaume de France avec les villes, on s'aperçoit qu'elles ne sont quasiment jamais nommées au XIIe ou au XIIIe siècle, ces villes du sud de la France. Et puis le Royaume de France soi-même, d'une certaine façon, ce qui appartient au roi de France. Et qu'il va falloir le début du XIIIe siècle pour que tout cela, par la défaite à la fois de Murat, du roi d'Aragon en 1213, et puis de Bouvines face aux armées anglaises, eh bien, finissent par composer un royaume de plus en plus uni, en l'occurrence, Léonard Dauphin. Ah oui, il a fallu inventer la France. Il a fallu inventer la France. Dans le royaume des Quatre Rivières, je montrais une France déjà constituée, fin XIVe, XVe siècle, mais en 1100, la France n'existe pas. Il y a trois pays dans un royaume, il y a deux langues différentes, hoc et hoy, et rien ne nous disait que ces deux langues étaient destinées à vivre ensemble. La moitié sud de la France était tournée vers l'Espagne. La moitié nord était tournée vers l'Angleterre. Et puis, à la suite de la victoire complètement inattendue des petits rois de Paris, l'espace du royaume des Quatre Rivières, entre les Pyrénées... Il faut relire Duby. Le dimanche de Bouvines. Le dimanche de Bouvines. Cet espace... n'est pas unifié au début, mais disons que les pouvoirs concurrents du roi sont éliminés. Donc il se fait un énorme vide. Et petit à petit, au XIIIe, XIVe siècle, les rois de France vont remplir cet espace et les Français vont écouter les rois. Parlez-nous de Gilles Le Bouvier, qui est un personnage fort intéressant que j'ai découvert grâce à votre livre Géographie, Léonard Dauphin. Voilà quelqu'un qui dit, moi je pensais que c'était Lavis qui l'avait dit le premier, le royaume est beau car il est proportionné. Donc il est proportionné, ce royaume, grâce à l'équilibre des saisons. Le royaume est en manière d'un losange, car il n'est ni long ni carré, et passe le fleuve de Loire, formant par le milieu du royaume. Donc on a déjà une idée, effectivement, de cette France, qui cette France tempérée, qui possède tous les climats, qui a la chance d'avoir l'océan, d'avoir la montagne, d'avoir la plaine, et donc d'être une sorte de réduction du monde dans un seul territoire, Léonard Dauphin. Gilles Le Bouvier, donc, il travaille pour le roi Charles VII au XVe, et c'est le premier qui fait une géographie de son propre pays, sans s'intéresser à la Chine, sans s'intéresser à l'ailleurs. Il commence d'abord par la France. Et il reprend, en fait, tous les thèmes de la géographie populaire pour en faire une œuvre. Et on voit à ce moment-là apparaître quelque chose qu'on connaît bien, en fait, qui est notre géographie traditionnelle qu'on a pu apprendre à l'école primaire. Voilà, ça naît vraiment de l'expérience des gens, et c'est lui qui le rassemble dans une œuvre. Et à ce moment-là, apparaît un discours valorisant pour la France, justement. Proportionné ici, d'ailleurs, pas forcément dans son espace, mais dans ses saisons, dans son climat. C'est-à-dire un pays, en fait, tout simplement, où il fait bon vivre. Avec tout de même des différences, parce que dans ce même XVe siècle, au milieu du XVe siècle, ceux qui écrivent en même temps que Gilles Le Bouvier peuvent dire, par exemple, que le roi de France pourrait être le roi de la mer. On sait très bien comment, justement, dans la façon dont s'est construite l'identité française au XVIIIe ou au XVIIe siècle, le grand regret, c'est de ne pas avoir conquis les mers comme la Grande-Bretagne a pu le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a appris, là aussi, dans le Malais Isaac, du début du XXe siècle, Léonard Dauphin. Et oui, à l'époque de Jules Bouvier, on sort de la guerre de 100 ans, le roi de France est vainqueur, et à ce moment-là, ce sont les Français qui subissent la piraterie, ce sont les Anglais qui subissent la piraterie française. Et il y a un moment de puissance, où on espère que la France va devenir une puissance maritime. Et comme au XVIIe, XVIIIe siècle, ça ne dure pas très longtemps, et on en revient finalement à ce choix dont on parlait au début, ce choix de la terre, quoi, ce choix de la campagne. La France se construit vraiment comme une puissance intérieure, et ce qui est le grand défi, à la fois pour les gens et pour le pouvoir, c'est d'unifier cette énorme masse continentale. C'est beaucoup plus difficile de circuler à l'intérieur de terre que de longer les côtes. 22 jours de long, alors qu'en fait, quand vous partez de Toulouse, pour aller à Paris, vous mettez plus de temps que si à Barcelone, vous prenez le bateau pour Londres. Il y a un véritable défi à construire un pays comme ça. Oui, et ce qui prouve qu'il faut aujourd'hui toujours travailler sur la question des transports pour pouvoir appréhender le territoire. Le nombre de journées de marche, de plus tard, de nombre de journées de calèche est plus important que bien d'autres choses pour comprendre pourquoi des événements politiques se placent à un moment donné du calendrier, parce que simplement, bien, il y a quelqu'un qui descend d'une calèche et qui donne une information venant d'une autre ville, et à partir de ce moment-là, ça peut démarrer. Oui, et ça nous pose aussi en plus de cette question des transports qui durent sur le temps long, en fait, cette France va rester trop grande jusqu'au télégraphe, en fait, c'est-à-dire fin 18e, début 19e siècle. Ça pose aussi la question de l'identité, parce que on n'est pas obligé de vivre ensemble, finalement, entre Toulouse et Amiens. Bien sûr. Et pourtant, ça se construit, que, le pays se construit comme une unité dans la tête des gens, peut-être à partir de la guerre de 100 ans. Et c'est intéressant d'étudier justement comment les gens se sont rencontrés. En fait. Merci beaucoup Léonard Dauphant d'avoir été notre invité pour ouvrir cette série consacrée aux frontières dans la fabrique de l'histoire. Vous êtes l'auteur de Géographie au pluriel, ce qu'il savait de la France, 1100-1600, dans la très bonne collection Époque, dirigée par Joël Cornette chez Champvallon. Mais vous étiez également l'auteur de Royaume des Quatre Rivières, l'espace politique français, avec une préface d'Elisabeth Crouzet-Pavant, toujours chez Champvallon. Alors on a parlé des frontières d'un pays, demain nous vous parlerons des frontières d'une ville, comment la ville de Paris a gagné sur les villages environnants et en particulier le village de Passy qui est juste derrière la maison de la radio. C'est ce que nous tenterons de vous expliquer demain dans le documentaire. Oui, mais on est en face de maisons qui sont des restes de l'habitat, on peut dire de banlieue antérieure au rattachement, qui appartenait à des Parisiens qui avaient ici leur maison secondaire. Où ils avaient un morceau de terrain, où ils avaient une écurie pour leurs chevaux, où ils pouvaient venir avec la famille et où vivaient un certain nombre de personnes qui n'étaient pas des habitants de Passy. Il y a de très vastes territoires qui ne sont pas du tout urbanisés dans les années 40 et qui le sont à peine dans les années 60, 1860. Paris double sa surface par rapport à l'ancien Paris des 12 arrondissements et donc il faut un temps très long pour que l'ensemble de ces territoires soit véritablement bâti. Et c'est pas seulement des propriétés et des parcs de belles propriétés, c'est aussi simplement des exploitants, des carrières, des carrières de plâtre. Donc c'est des choses très très variées qui mettent du temps, les lotissements mettent du temps à se créer, l'urbanisation à progresser. En fait, Paris va flotter dans ses limites de 1860 pendant très longtemps. C'est-à-dire que la ville ne va rattraper en réalité les limites de ce qui correspond en gros aujourd'hui au périphérique que relativement tardivement. Ça s'est tricoté en plusieurs étapes. Je pense qu'il y a eu une étape qui s'est construite vers la fin du 19e, dont on voit encore des restes sur la rue Raynouard. Et puis, quand on remonte la rue Raynouard, qu'on va vers la rue Franklin, vers le Trocadéro, on a à main droite, du côté de la Seine, de magnifiques immeubles 30 avec des terrasses, des pergolas, des immeubles où on se dit qu'on aimerait bien être plongé dans des fauteuils de Ruhlmann à lire du Paul Valéry. Ça s'est fait lentement. C'est pour ça qu'au fond, cet urbanisme-là, quoi qu'on en pense, a été très bien. Ce qui s'est fait avec beaucoup de temps. Et je crois que si l'urbanisme aujourd'hui nous déçoit souvent, c'est que le retour sur investissement impose une construction extrêmement rapide, trop rapide pour être bien réfléchie. Voilà. Voilà, demain dans notre série sur les frontières dans la fabrique de l'histoire, nous vous proposerons donc un documentaire Frontières d'une ville, quand Passy rejoint Paris, réalisé par Anne Fleury. Et nous continuerons mercredi autour de la question des langues. Ça sera le jour de préparation, le jour de réalisation de l'épreuve d'agrégation. Et nous traiterons justement ce jour-là, alors qu'on est en train de composer, d'une des questions de l'agrégation, à savoir l'histoire médiévale et en particulier la question des frontières de langue entre le 8e et le 11e siècle en Europe, et en particulier en Europe de l'Est et du Nord. Ça sera les thématiques de notre série sur les frontières aujourd'hui. Comme à l'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Aujourd'hui, Bruno Gagnère, Fontani était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Puisque je vous parlais d'agrégation et de concours, sachez que nous avons mis sur la page de vendredi dernier l'ensemble des émissions de France Culture, de la Fabrique de l'Histoire, qui pourraient vous permettre de participer à ces concours d'enseignement, aussi bien pour l'Antiquité, pour l'époque contemporaine que pour l'époque moderne. Nous avons rassemblé donc plusieurs des émissions de la Fabrique de l'Histoire sur les thèmes des concours. C'est sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page de la Fabrique de l'Histoire.